الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، avant de continuer la traduction du commentaire du livre de la Sunna tiré des Sunan de l'imam Abu Daoud, je voudrais aborder une parenthèse avec vous concernant la méthode d'apprentissage de la religion de manière générale, en abordant donc plusieurs points essentiels, en exposant plusieurs règles de bienséance qui doivent être observées. Premièrement, de manière générale, vous n'êtes pas sans savoir que la religion s'apprend de manière graduelle, petit à petit. De manière graduelle, petit à petit, sans précipitation, mais en cherchant donc à avancer au fil des jours et des nuits. Comme le disaient certains de nos pieux prédécesseurs, quiconque cherche le savoir, quiconque cherche à acquérir le savoir en bloc, le verra partir en bloc. Le savoir ne s'acquiert en réalité qu'au fil des jours et des nuits. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. Aujourd'hui un peu de savoir et demain également. Issus de ces perles choisies que l'on cueille par moments, par lesquelles on acquiert sagesse et discernement, n'est-ce pas un ensemble de gouttes qui forment le torrent? C'est donc là quelque chose d'essentiel. Gardez sans cesse à l'esprit que le savoir s'acquiert de manière graduelle, par étapes, en suivant une certaine méthodologie. Et cela nous mène au second point, qui est étroitement lié au premier, et qui concerne le fait d'avancer dans l'apprentissage de manière organisée. L'ensemble des sciences composant le savoir religieux, en avançant graduellement dans chaque science, et également dans l'ensemble des sciences. En commençant par ce qui est le plus accessible, et en avançant de manière graduelle, en approfondissant petit à petit. Et c'est là quelque chose de connu et d'établi chez les pieux prédécesseurs de cette communauté. Au niveau rationnel, c'est quelque chose qui relève du bon sens. Car l'individu qui cherche à apprendre une chose qu'il ne connaît pas du tout, va d'abord, dans un premier temps, chercher à avoir une connaissance globale de la chose qu'il cherche à apprendre. Ensuite, il va chercher à approfondir ses connaissances petit à petit, s'il veut assimiler ce qu'il apprend. S'il veut comprendre ce qu'il apprend et le retenir. Car tu ne peux pas passer d'un état d'ignorance totale concernant un sujet donné à un état de connaissance détaillée, approfondie. Cela n'est pas possible. C'est le cas de manière générale dans l'ensemble des sciences composant le savoir religieux, et ça l'est notamment concernant l'apprentissage du fiqh. L'étudiant ayant entamé l'initiative d'apprendre cette noble science, se devra en effet de suivre une méthode bien précise en cherchant, premièrement, comprendre la base de chaque question qu'il étudie, tu te dois dans un premier temps de chercher donc à comprendre ce que signifie telle question, que ce soit au niveau de la purification, de la prière, de la zakat ou autre, ou de ce qui relève du relationnel, du commerce, et ainsi de suite. Tu te dois dans un premier temps de comprendre de quoi on parle avant de chercher à aller plus loin. Ensuite, tu te dois de chercher à retenir l'avis le plus solide, qui est le plus proche des preuves. Troisièmement, connaître les preuves et ou argumentations qui appuient cet avis. Et enfin, et c'est là une autre étape, connaître les autres avis relatifs à la question, ainsi que les preuves et argumentations sur lesquelles les ulama qui les ont adoptées se sont basées, accompagnées des réponses qui y ont été apportées. Et tout cela, comme je l'ai dit précédemment, doit être fait de manière graduelle, ce n'est pas d'un coup, comme nous allons le voir, bi'iznillah. Cet apprentissage-là se fait par étapes. En procédant de la sorte, l'étudiant évoluera dans son apprentissage de manière graduelle sans se lancer dans la connaissance de la divergence dès le début de son parcours. En décrivant la méthodologie correcte d'enseignement, Ibn Khaldoun, décédé en 808 de l'Égypte, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: sache que l'enseignement des différentes sciences adressées aux élèves n'est profitable que s'il est effectué de manière graduelle, petit à petit. On lui expose dans un premier temps des points de chaque chapitre de la discipline abordée correspondant aux bases fondamentales de chacun de ces chapitres. On cherche à lui donner accès à ces différentes questions en lui expliquant de manière globale, en prenant en compte son niveau d'intelligence et son aptitude à assimiler les enseignements et informations se présentant à lui, et ce jusqu'à le mener au bout de la dite discipline. C'est à partir de ce moment-là qu'il aura acquis un certain capital de savoir, capital qui sera toutefois partiel et qui restera faible. Le maximum que l'on puisse dire est que cela l'aura préparé à comprendre la discipline et disposé à en acquérir correctement ses différentes composantes. Donc c'est là une première étape qui correspond, comme l'a dit Ibn Khaldoun, à une explication globale de la discipline en question, en lui donnant donc un aperçu, donc à cet élève-là, un aperçu global de la discipline et des différentes questions qu'elle traite. Ibn Khaldoun continue en disant: suite à cela, on aborde avec lui la même discipline une seconde fois, en lui donnant accès à un niveau supérieur, en approfondissant les explications et développements, et en sortant de la globalité. Globalité donc qui caractérisait la première étape. On commence alors à lui indiquer l'existence de divergences relatives à certains points, en lui expliquant les causes jusqu'à le mener au bout de cette discipline, alors que son capital de le savoir se sera étoffé. Donc c'est là une seconde étape, qui consiste à sortir donc de cette globalité, en abordant l'existence de certaines divergences relatives à certains points. Cette seconde étape passée, Ibn Khaldoun a dit, puis on le fait recommencer, possédant à présent un solide acquis. On ne laisse alors aucune question compliquée, subtile ou complexe sans la lui clarifier et l'élucider. Il aura ainsi achevé l'étude de cette discipline en la maîtrisant. Tel est l'enseignement bénéfique, et comme tu t'en es rendu compte, n'est effectif qu'en passant par 3 répétitions. Bien qu'il soit possible que, pour certaines personnes, cela se concrétise en moins de temps, en fonction des aptitudes qui lui sont imparties, et de ce qui lui est rendu facile. Après avoir exposé ces quelques principes, Ibn Khaldoun, posant un regard critique sur les enseignants qui agissent à l'opposé de cette méthodologie, en éparpillant les efforts de leurs élèves, en exigeant d'eux d'assimiler des questions avant d'être aptes à le faire. Tu as déjà certainement entendu des gens qui te disent, notamment concernant le fiqh, qu'il est impératif que l'enseignant explique à ses élèves, aussi novice soit-il, qu'il y a dans telle question tant d'avis et qu'il y a divergence, et en expliquant tout cela. Ibn Khaldun donc posait un regard critique sur cela, étant donné que ça s'oppose à cette méthodologie que vous venez d'entendre. Puis il conclut en disant, mais si les enseignements de niveau soutenu lui sont présentés à ses débuts, c'est-à-dire à l'étudiant, alors qu'il est à ce stade incapable de les comprendre et de les assimiler, et loin d'être prêt à le faire, alors son esprit s'en lassera, et il ressentira que cela relève de la difficulté que rencontre son esprit face au savoir. C'est ainsi qu'il ne l'abordera qu'avec paresse, et s'en détournera en se laissant aller à le délaisser. Or cela n'aura été dû qu'au mauvais enseignement qu'il aura reçu. Donc fin de citation, Ibn Khaldun, tiré de son livre Al-Muqaddima, volume 2, page 347. Dans un chapitre qu'il consacra aux règles de bienséance que doit observer l'étudiant, Ibn Jama'a, décédé quant à lui à 733 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, a fait mention d'un certain nombre de principes que l'étudiant doit respecter au niveau de sa propre personne, dans la manière qu'il a de se comporter avec ses enseignants, mais aussi dans la manière qu'il a de se comporter lors des cours auxquels il assiste et dans les lectures qu'il entreprend. Concernant cette troisième question, il aborda 13 points en disant dans le second, donc je cite, que l'étudiant prenne garde au début de son apprentissage de se préoccuper des divergences qui peuvent exister entre ulama ou entre les gens de manière plus générale, que ces divergences soient relatives à des questions purement rationnelles ou à d'autres qui auraient une connotation religieuse et seraient liées au texte. En effet, cela a pour conséquence de rendre l'esprit indécis et de perturber les aptitudes intellectuelles de l'individu. Il convient plutôt qu'il maîtrise, dans un premier temps, un seul livre dans une seule et même discipline, ou plusieurs livres relatifs à plusieurs disciplines, s'il a la capacité de supporter cela. Le tout selon une seule et même méthodologie que son cheikh considérerait adaptée pour lui. Fin de citation. Donc tu te rends compte du fait qu'il n'est pas judicieux et qu'il est et que c'est opposé à la méthodologie à suivre que de se préoccuper ou de préoccuper autrui par la divergence. Car cela correspond à une étape qui doit venir plus tard, intervenir plus tard. C'est dans ce sens-là que les ulama orientent les étudiants débutants vers l'étude de livres résumés, puis les invitent à progresser graduellement dans leur apprentissage. À titre d'exemple, l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, décédé en 620 de l'Hégire, Allah lui fasse miséricorde, a composé plusieurs ouvrages, chacun d'eux étant adapté à un niveau spécifique d'étude. Tout cela donc concernant la discipline du fiqh. C'est ainsi qu'il a composé Umdat al-Fiqh, lequel il s'est affairé à exposer dans chaque question l'avis de référence en vigueur au sein de l'école de l'imam Ahmed. Allah lui fasse miséricorde, en faisant très brièvement mention des preuves et argumentations l'appuyant. Deuxième livre, Al-Muqni'a, dans lequel il fit mention d'autres avis soutenus par les sommités de l'école de l'imam Ahmed. Troisième livre, Al-Kafi, dans lequel il exposa preuves et arguments, appuyant et étayant les différents avis adoptés par les sommités de l'école de l'imam Ahmed, ayant trait aux différentes questions de fiqh. Et enfin, quatrième livre, Al-Mughni, dans lequel il étendit son exposé comparatif des différents avis aux autres écoles de fiqh, en exposant preuves et argumentations de chacune. Donc, le même savant, en l'occurrence, l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, a composé dans une seule et même discipline plusieurs livres, chaque livre étant adapté à un niveau. Umdat al-Fiqh pour les débutants, Al-Muqni' pour les débutants également, mais un peu plus avancés, Al-Kafi pour ceux qui ont un niveau intermédiaire, et Al-Mughni pour les étudiants confirmés. C'est également dans ce sens que les ulama mettent en garde les étudiants contre le fait de se lancer dans des ouvrages plus longs avant d'avoir étudié ceux qui sont plus abordables. Le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, décédé en 1421 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en citant un certain nombre de points que l'étudiant doit impérativement observer durant ses études. Troisièmement, donc c'est tiré de Kitab al-Ilm, à la page 338. Troisièmement, ne pas se préoccuper des longs ouvrages. C'est un paragraphe très important pour l'étudiant. En effet, il lui est impératif de maîtriser dans un premier temps les résumés afin que les différentes sciences soient enracinées dans son esprit. C'est après cela qu'il peut se lancer dans les longs ouvrages. Cependant, il se peut que certains étudiants cherchent à faire sensation en lisant ce genre de livre. C'est ainsi que lorsqu'ils prennent part à une assemblée, ils disent « L'auteur d'Al-Mughni a dit » ou « L'auteur d'Al-Majmour » d'Al-Insaf ou d'Al-Hawi, afin de montrer qu'il s'adonne à de larges lectures. Mais c'est là une erreur. Nous disons plutôt, commence par les livres résumés, jusqu'à ce que ton esprit s'imprègne des différentes sciences. Puis, si Allah te fait part de ses faveurs, lance-toi dans l'étude des ouvrages plus longs. On peut d'ailleurs faire comprendre ce point en le comparant à un exemple concret. Si une personne qui n'a pas encore appris à nager s'essaye à la nage dans une mer profonde, elle ne pourra même pas s'en sortir avant même d'en envisager la maîtrise. Il en est de même concernant l'apprentissage. Il faut avancer de manière graduelle. Et c'est Allah Azza wa Jal qui prodigue la réussite